Très bel après-midi à l'écoute du programme de la première. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Pour la première fois, ils viennent de mettre la main sur un des banquiers de la mafia. Cette semaine, Cosa Nostra. Sur un des mystérieux professionnels du recyclage de l'argent sale. Politique et crime organisé, de dangereuses liaisons. Ce sont en tout 18 mafiosi qui, d'après les magistrats de Caltanissetta, ont participé à l'attentat contre le juge Giovanni Falcone. À 10h pile, Giulio Andreotti est entré dans la salle du tribunal Bunker, cette salle blindée qui avait été aménagée à l'intérieur de la prison de Palerme pour y célébrer le maxi-procès contre la mafia. Si je trahis cette organisation, que ma chair brûle comme cette image. L'arrestation tant attendue de Toto Riina ne va hélas pas être d'un précieux secours quant à l'enquête devant permettre d'identifier les assassins du juge Falcone. Le chef, une fois appréhendé, ne dit rien. D'autres arrestations vont cependant suivre. D'autres écoutes téléphoniques vont permettre de dénicher d'autres noms. Mario Santo Di Matteo va se trouver bientôt sur la liste des personnes embarquées par le commando spécial des Carabinieri. Entre les mains de la police, Di Matteo choisit immédiatement de parler. Depuis peu, on a en effet trouvé la parade à l'Omerta, la voie du silence. En proposant à des repentis de parler, il leur est promis des allégements de peine et des mesures de protection. Auprès du procureur Lovoy, Di Matteo négocie les conditions de sa collaboration, puis il donne des noms. Tous les noms. Ses aveux, recoupés par les enquêteurs, permettent de reconstituer le rôle de chacun dans toutes les phases préparatoires de l'attentat. Il précise également au procureur Lovoy son rôle dans le commando. Il était chargé de contrôler le parcours, de faire des essais avec sa voiture pour vérifier les temps de transmission du signal radio qui devait faire exploser la charge. Il avait fait ses essais avec d'autres afin de tester la vitesse des voitures du juge Falcone. Per provare la velocità che loro ritenevano essere attribuibile al corteo delle macchine blindate del giudice Falcone. Giovanni Brusca, le chef du commando, toujours en fuite, donne alors l'ordre pour faire pression sur Di Matteo, le repenti, d'enlever son fils. Un garçon de 12 ans, dont il est pourtant le parrain. L'enfant est alors transporté de cache en cache, le plus souvent dans un coffre de voiture, pieds et poings liés, les yeux bandés. In sostanza, con il sequestro del figlio. Luca Tescaroli. Après l'enlèvement de son fils, Di Matteo a, pour ainsi dire, rétrogradé d'une vitesse. Scalato una marcia. Et tout en maintenant sa collaboration avec la justice, il l'a ralenti. Et lo ha rallentato. L'enfant sera assassiné au bout de 2 ans. On sait qu'il a été étranglé et que son cadavre a été dissous dans des bidons d'acide. En raison des modalités d'exécution, il n'y a pas de précédent dans l'histoire de Cosa Nostra. C'est un des crimes les plus effrayants commis par Cosa Nostra, au point que les personnes qui y ont pris part ont pris conscience de sa gravité. Et il semblerait que l'un d'eux, durant la phase de l'enlèvement, ait dit que si on découvrait la vérité, cela provoquerait encore plus de dégâts que le massacre de Falcone. Avrebbe procurato più danno della strage di Capaci. L'assassinat du fils de Mario Santo Di Matteo va précipiter les événements. Les Corléonais sont cette fois allés trop loin. Bien des mafieux refusent d'aller plus loin sur la voie de la violence absolue ordonnée depuis sa prison par Toto Riina. Ils plaquent tout et se rendent spontanément à la police. Salvatore Cangemi est de cela. C'est l'un des personnages les plus haut placés dans la hiérarchie de Cosa Nostra. Quand Jamie ouvre une brèche énorme, c'est un vide pour Cosa Nostra extrêmement important. C'est pour nous la possibilité de lire, d'interpréter, de comprendre les dynamiques de l'évolution de Cosa Nostra. Cela nous a permis de gagner des années, des dizaines d'années de travail, d'information, d'investigation, parce que ses yeux étaient des yeux qui regardaient très près du cœur de Cosa Nostra et de la Cosa Nostra des Corleonais. Hilde Boccassini. C'est un des premiers à nous en avoir parlé. Une longue liste de magistrats, des personnels politiques, des industriels. Mais selon moi, il sait encore d'autres choses. Février 1995. Officiellement, Giovanni Canizzo, 55 ans, était un tranquille entrepreneur de bâtiments publics en apparence au-dessus de tout soupçon. Un petit industriel donc, mais aux grands moyens. Les policiers l'ont arrêté à Catane, en Sicile, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour Lugano. Il était sur le point de porter à terme le transfert $1 milliard en une seule opération des banques suisses en Sicile. Les enquêteurs italiens en sont convaincus. Pour la première fois, ils viennent de mettre la main sur un des banquiers de la mafia, sur un des mystérieux professionnels du recyclage de l'argent sale. Lié au clan de Nito Santa Paola, le numéro 2 de la mafia, Giovanni Canizzo brasserait en effet des milliers de milliards de lire entre la Suisse, l'Italie et l'Allemagne. Depuis un an, la police italienne était sur ses traces. Sorte de monsieur tout le monde, Giovanni Canizzo était en effet un homme très prudent. Pour un coup de téléphone, il utilisait jusqu'à 10 cabines publiques, s'interrompant toutes les 5 minutes pour ne pas être repéré. Malgré cela, avec l'aide du 6D, les services secrets italiens, les enquêteurs avaient réussi à placer des micros dans son quartier général, une chambre d'un hôtel de Rome transformée en terminal télématique. Pour le compte de la mafia, Giovanni Canizzo déplaçait ainsi vers les banques suisses des milliers de milliards de lire d'argent sale. Un système hyper sophistiqué et totalement inédit, estiment les enquêteurs italiens. Juin 1995. Leo Luca Bagarella est le frère de Ninetta, la femme de Totorina, le chef de Cosa Nostra, la plus puissante des organisations de la mafia sicilienne. Son arrestation représente donc un nouveau coup sévère porté à la mafia. Dans les fichiers de l'antimafia italienne, Leo Luca Bagarella figurait en effet parmi les 4 ennemis publics les plus dangereux. Après son arrestation, qui fait suite à celle de Totorina, survenue en janvier 1993, et à celle de Nito Santa Paola, quelque temps après, un seul des chefs de la mafia reste encore aujourd'hui en liberté, Bernardo Provenzano, le plus mystérieux de tous. Mystérieux au point que les enquêteurs se demandent s'il est toujours en vie après plus de 30 ans de cavale. Rome, 20 février 1979, 20h30. Un homme attend l'ascenseur. Carmine Pecorelli. Journaliste spécialisé dans les intrigues politiques, il vient de terminer sa journée de travail. Une journée de plus qui lui vaudra sans doute une fois encore la haine farouche que lui voue une grande partie du personnel politique en poste en Italie. Pecorelli s'approche de sa voiture, s'apprête à monter dedans. Il n'a pas repéré la silhouette qui l'attend. Ce soir-là, la rue, généralement très animée, est déserte. Pecorelli est à bord de son véhicule, prêt à démarrer. Personne n'a entendu le coup de feu ni vu l'assassin. Quelques minutes à peine après le meurtre, les représentants de tous les services de police surgissent. Ils érigent aussitôt un mur de silence. Il faudra plusieurs années pour que les langues se délient et que les témoins acceptent de parler. Avril 1996, dans le pénitencier de Pérouse, au nord-est de Rome, débute le procès tant attendu des meurtriers présumés du journaliste Carmine Pecorelli. Principal accusé, Giulio Andreotti, 7 fois chef du gouvernement, un homme qui a marqué pendant un demi-siècle la vie politique italienne. Pour moi, ce procès représente une grande humiliation, mais peut-être qu'en tant que chrétien, cela me fera du bien. Pendant 50 ans, j'ai foulé des tapis rouges, maintenant je marche sur des épines. Peut-être que cela va redimensionner ma personnalité. Je considère ce procès comme une profonde injustice, mais d'un certain point de vue, je ne suis pas mécontent que l'on entame un débat, que l'on ait enfin la possibilité de dialoguer et de vérifier les faits ou les preuves publiquement. Di dialogo, di colloquio e di verifica pubblica delle prove, non più. Il ne s'agira plus cette fois d'indiscrétion de journalistes ou de choses bizarres qui émergent après un, deux ou trois ans et qui me semblent parfaitement orchestrées. Una specie di regia che mi sembra molto ben fatta. Deuxième accusé, Claudio Vitalone, un juge romain. Il est soupçonné d'avoir commandité le meurtre avec Andreotti. Le procès va durer 3 ans. 3 années au cours desquelles Andreotti tournera le dos aux autres accusés, ses complices présumés. L'un d'eux est Pippo Calo, un parrain notoire de la mafia qui aurait servi d'intermédiaire entre Andreotti Vitalone et les assassins. Gaetano Badalamenti, un autre chef mafieux, est absent du procès. Il est accusé d'avoir fomenté le meurtre. Né en 23 en Sicile, près de Palerme, Badalamenti a été une figure clé de la Cosa Nostra des années 70. Il a fait partie du triumvirat à la tête de la mafia sicilienne avec Luciano Ligio et Stefano Bontade. Il a également entretenu d'étroites relations avec Charles Lucchi Luciano. Avec l'ascension du clan de Totorina, Badalamenti a été obligé de se réfugier au Brésil, puis en Espagne. En 87, il est arrêté, jugé, condamné à 45 ans de prison. Il est depuis enfermé à la prison fédérale de Fairton, dans le New Jersey. Au cours de ce procès, il va donc être question d'établir quel lien aurait pu exister entre Gaetano Badalamenti et Giulio Andreotti. Et si lien il y a, de quelle nature est-il? Au cours de sa carrière politique, Andreotti n'a eu en fait qu'un seul concurrent politique, Aldo Moro, président du Parti chrétien-démocrate. En 1978, Aldo Moro est enlevé par les Brigades rouges. Dans la geôle de ses ravisseurs, il écrit une des pages les plus sombres de l'histoire italienne et le nom d'Andreotti ne cesse d'y apparaître. Ses notes vont disparaître. Lorsque les jurés entrent dans la salle, ils savent que c'est le début de 3 années pénibles. En l'absence d'aveu, ne restent que les indices. Les procureurs de la République, Fausto Candela, Alessandro Cannevale, dispose de plus de 300 témoins. Parmi eux, les grosses pointures de la criminalité internationale. Tommaso Buscetta, le plus dangereux et principal témoin de ce procès, est entendu dès le début. C'est lui, le repenti qui a parlé au juge Falcone, qui a entraîné le maxi-procès de Palerme. C'est lui, à nouveau, qui envoie Andreotti sur le banc des accusés. Tournant le dos au public, protégé par un rideau de policiers, Tommaso Buscetta répond aux questions du président de la cour d'assises de Pérouse. Pour le plus important des repentis de la mafia, c'est le grand jour. Tommaso Buscetta doit en effet confirmer ou renier ses accusations contre Giulio Andreotti, l'ex-premier ministre italien. À Pérouse, celui qui fut 40 ans l'homme clé de la politique italienne est en effet accusé d'avoir ourdi en 1979 l'assassinat d'un journaliste trop curieux, Mino Pecorelli. L'assassinat aurait été commis par la mafia pour faire une faveur personnelle à Giulio Andreotti. C'est ce que Buscetta a confié au magistrat de Palerme. Mais avant de faire cette confidence, il avait attendu 4 ans par prudence. Devant cette cour d'assises, va-t-il renouveler ses accusations? D'une voix ferme, il confirme, oui, il a su, de vieux boss de la mafia, que Giulio Andreotti avait souhaité la mort du journaliste pour éviter des révélations compromettantes. Assis sur les bancs de la défense, Giulio Andreotti ne bronche pas. J'ai déjà entendu cela mille fois, j'ai l'impression de revivre un vieux film, se contente-t-il de dire aux journalistes. Tommaso Buscetta est un parrain de la mafia tombé en disgrâce pour avoir trop aimé les femmes. Cosa Nostra a assassiné quasiment toute sa famille. Il a dû se retirer au Brésil. Dans les années 80, le Brésil l'extrade en Italie, où il commence à collaborer avec les juges de Palerme, et notamment le juge Falcone. Il devient dès lors le mafieux le mieux gardé de la justice italienne. Grâce à lui, pour la première fois, les juges italiens vont apprendre le fonctionnement interne de la mafia. Mais il faudra patienter encore un peu, attendre les années 90 pour que Buscetta parle politique. Une attente d'aveu qui n'aura pas été décevante. Ma première réaction, c'est que ce que dit Buscetta est sans aucun doute crédible. Les circonstances dans lesquelles il a fait ses déclarations devant la commission antimafia soulignent sa crédibilité. Nando Della Chiesa, fils du général assassiné, interviewé le 17 novembre 1992. Et les sues déclarations sont gravissimes. Ces déclarations sont très graves. Je ne savais rien de ce projet de 1979. Après cette tragédie, beaucoup de doutes que j'avais se trouvent ainsi levés et de nouvelles pistes à suivre s'ouvrent. En 1979, l'année après l'assassinat d'Aldo Moro, je me suis demandé s'il y avait une sorte de convergence d'intérêts, de liens entre l'assassinat de Moro et celui de mon père. Des liens qui auraient uni d'une part une mafia qui se sentait menacée sur son terrain par mon père et de l'autre côté un pouvoir politique qui aurait eu intérêt à l'éliminer parce qu'il savait beaucoup de choses et qu'il n'était plus fiable envers le pouvoir. Autre question à Nando Della Chiesa, pourquoi Buscetta n'a-t-il pas parlé plus tôt du meurtre de son père ? Probablement que Buscetta était convaincu que dans les assassinats de Falcone et de Borsellino, ce qu'il appelle une autre entité est intervenue, exactement comme pour mon père. J'ai toujours soutenu que dans ces deux cas, ainsi que dans le meurtre de mon père, les intérêts de la mafia étaient liés à d'autres intérêts. Tout le monde croyait à ce moment-là que ça n'était que la mafia, mais Buscetta ne le croit pas et il a de bonnes raisons sans doute de penser ainsi. Le procureur de la République fait déposer Buscetta afin qu'il répète cette déclaration décisive devant les jurés. Avez-vous eu connaissance de rapports, de rencontres entre Giulio Andreotti et Cosa Nostra? J'ai eu connaissance des rapports entre Giulio Andreotti et des représentants de Cosa Nostra, et plus précisément avec Gaetano Badalamenti, par Gaetano Badalamenti lui-même. Buscetta rappelle les liens qui unissent Andreotti et Badalamenti. Au sujet du meurtre de Carmine Pecorelli, Badalamenti m'a directement informé que l'on avait fait assassiner le journaliste, celui qui écrivait des articles contre Andreotti et qui attentait à la vie politique d'Andreotti. Il avait peut-être mis la main sur des documents dont personne n'était au courant et il avait été nécessaire de le tuer dans l'intérêt d'Andreotti. Il possédait des documents secrets qui concernaient Aldo Moro. C'è dietro ancora questo mistero non del tutto risolto dell'assassinio di Aldo Moro, per esempio. A me pare Comme l'affirme Alfredo Galaccio, avocat de la sœur du journaliste assassiné Mino Pecorelli, l'affaire Aldo Moro va jouer un rôle déterminant dans la conduite du procès instruit contre Giulio Andreotti. Aldo Moro, qui voulait sortir son parti des marasmes de la corruption, était prêt à faire entrer les communistes au gouvernement. Au matin du 16 mars 78, il se rend au Parlement pour l'élection du premier gouvernement d'Europe occidentale avec la participation de communistes. 2 kilomètres plus loin, il tombe dans un piège tendu par les brigades rouges. L'opinion publique est effarée. Une seule personne avait prévu cela, le journaliste Mino Pecorelli. Il s'intéresse de près à l'affaire. Dans sa revue politique OP, Observatoire politique, il décrit que les brigades rouges ne sont qu'un moteur. Le détonateur, lui, est aux mains d'autres personnes. Pecorelli ose le lien avec les services secrets américains. Giulio Andreotti apporte sa lecture des faits. Est-ce que les Américains considéraient Aldo Moro comme un danger pour ses idées, ses pactes? Non, par les Américains sérieux, certainement pas. Il se peut que quelqu'un des services secrets, jugeant les choses de manière grossière, et classer les personnes en tant qu'amis ou ennemis, un peu comme on traite des produits agricoles. Mais aucun des responsables américains n'avait de doute sur le caractère démocratique de Moro. L'après-midi de l'enlèvement d'Aldo Moro, Giulio Andreotti est pour la première fois élu président du Conseil grâce aux voix des communistes. Quelques semaines plus tard, il dissout cette coalition impopulaire. Entre-temps, Aldo Moro est interrogé par les Brigades Rouges. Chacun de ces mots est tapé à la machine, des histoires de corruption pas encore connues. La bombe amorcée par ces révélations n'explosera que beaucoup plus tard. Grâce aux journaux qu'il reçoit dans sa geôle, Aldo Moro croit que la police met tout en œuvre pour le retrouver. Il y a notamment un député, un chrétien démocrate, qui recherche individuellement l'endroit où est détenu Aldo Moro. Des membres de la mafia calabraise se sont mis en relation avec lui pour l'aider. C'est le dernier survivant de ce sombre épisode. Ses interlocuteurs sont tous morts, dans des circonstances plutôt étranges. La rencontre a eu lieu à la sortie du périphérique, en direction de Rome, dans ce bar-tabac. Au dernier étage, il y avait la salle où nous nous sommes rencontrés. Dans ce café, les Calabrais vont affirmer à la stupéfaction du chrétien démocrate qu'ils peuvent trouver l'endroit où est détenu Aldo Moro. Le député n'en croit pas ses oreilles. J'ai immédiatement prévenu le secrétaire de la démocratie chrétienne de Zaccagnini. Mais le secrétaire du parti chrétien démocrate ne semble pas s'en réjouir. Il paraît même plutôt gêné. Quelques minutes plus tard, on me dit « Nous devons suspendre. On ne peut rien faire. » Et en plus, on a reçu l'ordre de ne pas traiter. La presse reprend à l'unanimité cette devise. Pas de négociation, l'État ne cède pas au chantage et ne cédera pas. Dans les rues de Rome, la police et l'armée livrent un spectacle impressionnant. 30 000 policiers et soldats sont déployés. Pecorelli écrit dans son journal « Les perquisitions à domicile systématiques et les hélicoptères ne poursuivent qu'un seul but, montrer aux Italiens que l'État existe encore. » Quelques jours plus tard, le député chrétien-démocrate a un deuxième rendez-vous. L'homme de contact monte dans sa voiture et le conduit dans un quartier résidentiel. Quand nous sommes arrivés à la moitié de la Via Cassia, à la hauteur de Via Gradoli, il m'a dit « Le point chaud est ici. Si vous le voulez, il faut battre ce quartier. » J'ai appelé le préfet de police, mais sans résultat. Ils ne sont pas rentrés. Ils n'ont probablement pas eu le courage de le faire. Le dernier rendez-vous que l'on m'a fixé avec des gens que je n'avais encore jamais vus était au numéro 551 rue della Camiluccia. Au cours de cette rencontre, mon interlocuteur me dit « Nous avons découvert où se trouve Aldo Moro. Il est seul depuis 36 heures, car le groupe des Brigades Rouges qui le détient s'est réuni dans une ville du nord de l'Italie pour décider de son sort. Nous savons déjà qu'ils décideront de vous le livrer mort, mardi. Soit nous intervenons tout de suite, soit ils vous livreront Moro mardi. » Cette fois-ci, le député s'adresse au ministre de l'Intérieur. Mais personne ne l'écoute. Le ministre de l'Intérieur en question, Cossiga, ne montre aucun intérêt. Quelques années plus tard, on comprendra pourquoi. Parmi les fonctionnaires du quartier général de la police romaine, faisant partie de l'unité spéciale du ministre de l'Intérieur chargé de retrouver Moro, figurent des membres de la loge P2. J'ai dit au fonctionnaire de police, pourquoi n'allons-nous pas voir s'il y a encore quelqu'un ? Il m'a répondu que c'était eux qui s'occupaient de l'enquête. Il se trouve qu'au moment où nous étions en train de rentrer, nous avons entendu à la radio la nouvelle de la découverte du corps de Moro via Caetani. Nous nous sommes rendus au siège du Parti démocrate chrétien. Là, une foule nombreuse assiégeait le bâtiment. Plusieurs policiers, armés de mitraillettes, surveillaient les lieux. Pour la radio suisse romande, Georges Glatz à Rome, le 9 mai 1978. Après avoir subi de nombreux contrôles et répondu à de nombreuses questions, nous avons pu nous rendre sous escorte dans une grande salle du bâtiment du siège du Parti démocrate chrétien, où là, M. Ferrari Agrari, membre de la direction centrale du parti, un homme qui a bien connu M. Aldo Moro, eh bien, il a bien voulu aussi nous donner une interview et tout d'abord nous donner sa réaction après avoir appris la mort de Aldo Moro. Écoutez. Nous avons vraiment souffert. C'est une tragédie qui nous a profondément troublés. Mais dans le même temps, nous avons trouvé une force encore plus grande pour défendre la liberté et la démocratie. Quelle est peut-être l'accord possible avec les communistes pour leur rentrée au Parlement? Mais en ce moment, nous n'avons pas de problème. Nous avons un accord avec les communistes qui soutient le gouvernement et nous devons dire qu'ils se mouvent avec loyauté. Et nous avons des rapports, surtout en ce moment, qui sont des rapports de coopération très constructive. C'était première journée des débats, une réalisation de David Golan.